Bonjour, bonjour, amis du monde, amis des ondes, on s'emballe, c'est parti. Ouais, je sens que les invités du jour de Scargo Culte trépignent, et les auditeurs aussi. Il est temps, dis donc, après une cinquantaine d'éditions de ce Cargo Culte, 2 ans d'existence et quelque chose près aujourd'hui, de faire un Cargo Culte en langue française. Un vrai, avec du texte en français. Ah, ce sera dur d'accuser Cargo Culte de chauvinisme. Mais donc voilà, accueillons en grande pompe justement du vrai texte français, haut en couleur. Et vous n'attendez pas un langage strictement châtié, bien au contraire. Bienvenue aujourd'hui à Brigitte Fontaine et Areski Belkacem. Waouh, ce duo, c'est de la dynamite, c'est un mythe complet, c'est 10 années absolument extraordinaires dans les années 70 qui, à elles seules, vont illuminer en fait toute une frange, allez, avons le mot, expérimentale de la variété française, et laisser en fait des petits cailloux blancs et des influences totalement notoires qui courent jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que, je sais pas, il n'y a pas une seule Riot Girls au monde, des punkettes les plus effrontées, au Björk les plus émancipées, voire en passant par une Madonna la plus discoïsée, qui ne doivent quelque chose à Brigitte Fontaine. Elles le savent, et elles le savent. Ah oui, ça mérite de dérouler un tapis rouge pour Brigitte Fontaine et Areski Belkacem. Je les mérite d'autant plus que le tapis rouge, c'est pas du tout un truc qu'ils apprécient. Ça, s'il y a quelque chose qui, en fait, leur les énerverait, c'est bien les hommages. Et c'est tant mieux. Alors, rentrons en terre, à la fois connue et inconnue. C'est ça aussi qui est extraordinaire avec Brigitte Fontaine et Belkacem. C'est clairement un mythe, mais en même temps, c'est pas un mythe si visible que ça. Et quant aux grands médias de l'époque, certains, bien sûr, avaient l'œil plutôt aguerri et savaient repérer quand même le talent de Brigitte Fontaine. Il s'exprimait depuis pas mal de temps, dès la fin des années 60. Mais on ne la voyait pas chez Guy Lux, quoi. Donc, une page d'histoire. Et on ne parlera plus jamais de Guy Lux, je vous le promets. Bah, on va commencer déjà par regarder un truc un peu tout bête. Hein. C'est regarder les fiches Wikipédia de chacun. Dans le Wikipédia anglais, on parle de Brigitte Fontaine comme une experimental pop French musician. Avec le mot experimental, le premier mis en avant. Le Wikipédia français ne va pas jusque-là. Le Wikipédia dit chanteuse et poète française. Bon, alors les deux sont strictement vrais. Et j'ai presque envie de dire que c'est peut-être d'abord la poésie et le chant qu'on va mettre en avant. Cette notion d'expérimental, elle vient après coup. Elle vient et elle est très intéressante dans un livre comme celui qui est paru très récemment chez Le Mot et le Reste, où on doit à Maxime Delcourt, c'est un journaliste dans un rock, qui a écrit une somme extrêmement intéressante. Il y a des années où l'on a envie de ne rien faire. Il y a des années où l'on a envie de ne rien faire. Et en fait, la baseline de ce recueil, c'est 1967-1981, chanson expérimentale française. Voilà, je recommande ce bouquin. Et alors, il y a notamment effectivement une large fenêtre consacrée à Areski Belkacem, au label Sarava, qui a produit leurs meilleures œuvres. Mais attention, pas que celle-ci, d'ailleurs, pendant une bonne dizaine d'années, même au-delà. Mais enfin, il y a 10 années comme ça qui correspondent aux flamboyantes 70s, qui a démarré à la fin 60s, qui font date. Et c'est à ça qu'on va référer aujourd'hui. Vous et nous. C'est en fait le dernier album, l'avant-dernier album d'Areski et Belkacem. Ah, je tendance à dire le dernier, pourquoi ? Parce que c'est le dernier réellement réussi. C'est même plus que le dernier, c'est un LP vraiment à son sommet. Très, très foutraque, d'abord parce que c'est un double album, mais en même temps complètement engagé, fou, halluciné, hallucinant aussi, quoi. Alors, retournons à nos moutons. Et retour sur quelques dates, en fait. Brigitte Fontaine est folle. Ben oui, mais on le sait très bien que Brigitte Fontaine est folle. Elle l'a dit. Elle l'a dit, c'est le titre de son premier album sur l'album sur le label Sarava, le deuxième techniquement qu'elle aura fait, mais on peut dire le premier qui la révèle et qui fait de Brigitte Fontaine ce qu'elle est et où elle et c'est pas même un personnage, hein, c'est une personne. Brigitte Fontaine est folle. Oui, c'est écrit noir sur blanc sur le deuxième album de Brigitte Fontaine. Et alors pour s'en convaincre, on peut aller sur le site web du label Sarava. Sarava, c'est un label qui a été créé par quelqu'un, ça vaut le coup de faire une petite parenthèse sur lui, c'est Pierre Barou qui présente ça. Pierre Barou, c'est un chanteur et un acteur, en fait, à qui la chance a souri. Il se trouve que c'est lui qui donne la voix et les textes de l'imparable mélodie et internationale mélodie qui fait le thème de « Un homme et une femme » de Claude Lelouch. J'ai osé, hein. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui de ce genre de démonstration de chanteur. Pierre Barou, avec cette petite ritournelle-là, dont il signe d'ailleurs que les textes, hein, la musique est de Francis Lai, il s'offre des royalties absolument confortables qu'il va s'empresser de mettre dans un label qui lui sera beaucoup moins confortable, mais ô combien intéressant, c'est le fameux label Sarava. Et Sarava est complètement animé par les expériences d'Areski, par les expériences de Fontaine, ensemble ou séparés d'ailleurs, ensemble ou même élargi avec un troisième membre qui va compléter un trio qui fera date aussi, c'est Areski, Fontaine et Higelin. Oui, le Jacques Higelin, qui s'émancipera d'autant mieux à la fin des années 70 et 80 et au-delà même. Je reviens sur cette citation, cet exergue même qui est attrapé sur le site web, la page web du label Sarava, et où Pierre Barou, cette rencontre, raconte cette discussion à la terrasse d'un café entre lui et Brigitte Fontaine. Alors je cite, c'est comme les phylactères des bulles dessinées, vous savez. Pierre Barou, Brigitte, je vais m'absenter quelque temps, je vais au Brésil. Brigitte Fontaine, comment ? Tu vas là-bas ? Oui, en avion. Brigitte Fontaine, t'es fou ! Tu te rends compte ? Il peut t'arriver n'importe quoi. Pierre Barou, t'es jamais monté dans un avion ? Brigitte Fontaine, pas question. Pierre Barou, tu montes en voiture ? Brigitte Fontaine, oui, mais il y a une époque où je ne montais jamais en voiture. Pierre Barou, mais tu sortais de chez toi ? Brigitte Fontaine, d'accord, mais il y a une époque où je ne sortais jamais de chez moi. Il peut arriver n'importe quoi. Quelqu'un peut te cracher dessus. Pierre Barou, tu restais chez toi ? Brigitte Fontaine, oui. Pierre Barou, un avion pouvait tomber sur ta maison. Brigitte Fontaine, oui, j'y pensais. Pierre Barou, Béa. Voilà. Donc on le redit, Brigitte Fontaine est folle et bien à elle. Et c'est elle-même qui le dit. Alors, en fait, de Brigitte Fontaine, et contrairement à cette figure d'excentricité absolue, un peu revendiquée, parfois même médiatique, que va imposer Brigitte Fontaine, Areski, lui, il a pas de scandale à vendre, il n'est pas du tout dans la démesure, il incarne au contraire le summum de la discrétion. C'est quelqu'un qui est d'origine kabyle, Brigitte Fontaine, elle, pour la petite histoire, est bretonne, et Areski, lui, bon, il grandit à Versailles, et... ces deux personnes-là vont se retrouver assez tôt, avant même d'ailleurs que soit officialisée leur rencontre, et puis plus tard leur union, ils vont se marier, mais bien plus tard, sans que ça fasse de commentaires, autre mesure d'ailleurs. Areski prendra part très très tôt aux aventures de Brigitte Fontaine, elle-même signée sous son nom. Les aventures de Brigitte Fontaine, elles méritent d'être citées au pluriel. Il y en a une qui est fondamentale, et qui aurait tout à fait pu être le cargo cul du jour, et pour tout vous dire, j'ai hésité entre un vrai ultra classique, c'est l'album « Comme à la radio » de Brigitte Fontaine, et ce disque du jour. Et voilà, et ce qui a décidé mon choix, ça n'a rien à voir avec une préférence ou quoi que ce soit, mais finalement, et j'y viendrai bientôt, le disque absolument foutraque, kaléidoscopique, vous et nous, qu'on va écouter aujourd'hui, recèle finalement des espèces de trésors embusqués et des citations à tiroir incroyables. Là où « Comme à la radio » est un album qui... tout de go, si vous voulez, impose un choc et une rencontre sublimissime, cataclysmique, et au-delà des plus beaux sentiments qu'on pouvait détrouver dans l'avant-garde à ce moment-là, puisque c'est l'Art Ensemble of Chicago et Brigitte Fontaine qui sont tous les deux sur ce disque, quoi. Et Brigitte Fontaine qui scande sa poésie avec tout l'Art Ensemble of Chicago. Voilà, c'est en 1969 et Brigitte Fontaine sort un disque qui est complètement inusable, qui est de facto un classique et qui, de 1969 à aujourd'hui, reste un classique absolu. Pour la petite histoire, c'est un des disques français les plus vendus au Japon. Allez pas penser que c'est Mireille Mathieu ou bien Johnny Hallyday qui plaisent à quelques Japonais comme ça, un petit peu séduits de culture française. Non, c'est la toute première, c'est Brigitte Fontaine. Voilà. Et rien qu'en prenant ce recul-là et en se disant, bah oui, même pas la peine d'essayer de vanter nos petits soldats bien peineux de la variété française de l'époque. Et finalement, c'est pas eux qui restent, mais c'est Brigitte Fontaine, quand bien même on voulait pas qu'elle soit là. Et ça, on peut le dire. Alors, allons-y sur cet album. Vous et nous. Un double album, c'est souvent, par définition, long, ça en sans doute. Alors ça peut être long, soit parce que ça prend 8 morceaux de 10 ou 12 minutes, soit parce que ça en comprend plein de 3, voire moins. Et là, on est dans ce schéma-là, hyper kaléidoscopique, avec 33 titres qui partent un petit peu dans tous les sens. C'est un album qui est pensé comme un long poème, comme ça, à deux voix, avec un dialogue permanent entre Areski et Fontaine. Et ce qui rend le disque finalement d'autant plus attachant. C'est un vrai double album. Alors c'est marrant parce que je peux m'empêcher de penser que c'est un double album qui fait date, mais plutôt pas immédiatement, c'est ça qui est fou. Là, en France, on a peur de pas si bien le vendre que ça, donc il y a deux versions de l'album de fait. Il y en a une version simple, qui par définition est simple, et une version double, qui elle met les bouchées du même nom. Donc voilà. C'est un peu notre Trout Mask réplica, nous, ou bien notre White Album à nous, voire notre Black Album à nous. Oui, c'est ça, vous et nous. Alors, c'est ça et comment je disais, c'était le cinquième album du duo. C'est l'ultime. C'est pas le dernier, mais c'est l'ultime. Et Fontaine, en auteur-interprète, elle débite des paroles extrêmement effrontée, hein, on n'a pas peur du mot, mais le tout quand même surligné par une fantaisie totalement hallucinatoire et quasi surréaliste. Pierre Barou, lui, disait d'elle, elle va laisser une trace, mais peu de gens arriveront à s'en nourrir. C'est beau. C'est même pas s'en souvenir, c'est s'en nourrir. Et de fait, y a des gens s'en nourriront. Et comme je vous le dis, ce sera plutôt la génération après, tardive. Sonic Youth ou Stereolab aimait citer Brigitte Fontaine dans ses influences. Et voilà qui est finalement pas si étonnant que ça. Alors les influences, parlons-en, parce qu'eux-mêmes regorgent d'influences. Il se trouve que cet album particulièrement, et c'est peut-être pour ça que je décide de faire un focus sur vous et nous aujourd'hui, c'est que c'est à lui tout seul un entonnoir d'influences de l'époque. Et entonnoir qui peut lui-même s'inverser parce qu'effectivement ça va devenir un déversoir d'autres influences à venir et plus ou moins rapidement. Dans cet album, tout fusionne et en même temps tout se distingue. On est dans une world music avant le mot, mais on est aussi dans une forme de proto-électronique, voire une proto-techno, dans un titre absolument époustouflant d'ailleurs, Patriarcat, qui vient très vite. C'est le deuxième album du disque, il suit une ouverture a cappella, Vous et nous, qui est elle-même remarquable et soulignée d'électronique. Et autour de ça, on s'égare, mais avec délice, si vous voulez, dans des chants à l'unisson qui semblent un petit peu sortis du Moyen-Âge, beaucoup de mélopées comme ça, dont l'orchestration elle-même va souligner parfois un côté un petit peu abscon avec ses références au Moyen-Âge. Je pense notamment à l'introduction de la vielle à roue dans plusieurs morceaux. Ce n'est pas du tout quelque chose de fréquent à l'époque. Ou alors, c'est dans du strict folklore, quoi. Alors, quant à la musique, ben oui, je vous parle d'électronique. Il y a clairement un morceau de funk électro sublimissime. Des expérimentations électroniques que veux-tu en voilà, plus ou moins mises en avant, mais même en arrière-plan, on entend comme ça des petits truchements électroniques absolument savoureux. Tout ça va croiser une trance nord-africaine. Ça, c'est pas étonnant. Areski, c'est quelque chose qu'il revendique. Il est kabyle et on a trouvé ça dans sa musique depuis pas mal de temps. Voilà. Et qu'on soit dans l'électronique ou bien dans l'acoustique, on est toujours dans quelque chose d'assez raffiné, quoi. La réalisation du disque, elle est elle-même plutôt riche en rebondissements, sachant qu'au départ, il s'agissait d'un travail solo d'Areski. Et un travail solo qui est lui-même borderline et réalisé dans un tout petit studio qui appartient à un certain Jean-Pierre Chambard et qui avait élu un studio sur le boulevard Saint-Germain, au cœur de Paris, chose qui n'était pas si rare que ça à l'époque. Areski va y lire quasiment domicile. Alors, petit à petit, il va remplir comme ça des cassettes. Et c'est Brigitte Fontaine qui, elle, se faufilait la nuit tombée, donc plus ou moins en cachette, d'Areski, et qui ajoutait sa voix, par-ci, par-là. Et Areski, elle ne voulait pas être au courant. Alors, je le cite, parce que je ne savais pas encore qu'elle le faisait. Elle a bien fait, parce qu'elle apporte à l'album, ce qu'elle apporte à l'album est exceptionnel, ça regroupe tout ce qu'on avait pu entreprendre jusque-là. Et oui, on ne pourrait dire mieux. Cette folie créative, elle est secondée aussi par des gens d'exception. J'étais très touché d'un témoignage du joueur de synthé. Et je suis très triste de ne pas avoir marqué son nom. Si, Jean-Philippe Riquiel. Et c'est pas quelqu'un qui a laissé des marques dans l'histoire, et pourtant c'est quelqu'un dont le synthé a côtoyé comme ça plusieurs personnes. Et Jean-Philippe Riquiel, en 1975, c'est un petit jeuneau. C'est la deuxième fois qu'il va utiliser son synthé dans un studio. La deuxième fois. Et il le découvre à peine. Et alors, en guise de synthé, c'est un synthé de légende, évidemment. C'est le Mini Moog. Ce Mini Moog, en 1977, va servir à enregistrer essentiellement de la basse synthétique. Et ce, par un report d'un magnéto stéréo sur un autre magnéto. C'était des Studer, quand même, à l'époque, qu'ils avaient en studio. Attention, c'est du matos très professionnel. C'est encore mieux que Revox. Et voilà. Et il avait vu Jean-Pierre Chambard procéder de cette forme de dub et d'overdub, d'un magnétophone à l'autre. Hein, on n'avait pas, même quand on avait son propre studio à Paris, on n'avait pas 32 pistes comme ça, si confortablement. Hein. On se contentait de 4, voire de 2, donc de plus 2. Et cette logique d'overdub, il l'a appliquée à la bande avec ce son de Mini Moog si caractéristique, quoi. C'est un son qui est étonnamment le reflet ultra-contemporain du son. Et alors, accrochez-vous bien, parce qu'évidemment, ce n'est pas le genre de référence qu'on va chercher quand on parle de Brigitte Fontaine et d'Areski, mais c'est le son qu'a initié Bernie Worrell avec Parliament Funkadelic, et précisément dans le son Flashlight. Musique et son funk par excellence, P-Funk. Et voilà que deux tribulions de la variété française, et le tout aidé par un jeuneau bidouilleur de synthé génial, gloire à Jean-Philippe Riquiel, que personne ne connaît, ressort grâce à son Mini Moog, quoi. Et vous allez voir, l'élasticité de ce son, elle est à tout point phénoménale. Pour ce seul titre qui s'appelle Patriarcat, qui dure 6 minutes 40, et alors excusez-moi de la flamboyance du titre, hein, je Patriarcat, et qui peut se lire en deux mots, Patriarcat. J'y vais de la citation de La Fontaine, mais croyez-moi, vous pouvez écouter et prendre des notes sur le texte entier. Il n'y a pas d'homme de gauche, et quand il s'agit de femmes, il n'y a que des hommes de droite. Ah, au niveau du texte, hein, vous allez pouvoir y aller, là. Hein, vous allez stabilo-bosser, si vous voulez, les citations de la dame. Et du monsieur, il n'y a pas que Brigitte Fontaine, hein, qui fait les textes. Attention, Et de ce côté-là, il y a une bonne inspiration et un bon aller-retour avec ce duo et futur couple qui est Brigitte Fontaine et Areski. Donc je le disais, pour ce seul titre-là, l'album est exceptionnel. Mais croyez-moi que les autres sont absolument fabuleux. Je prends un petit peu au hasard. Le repas des dromadaires, qui va justement, le titre nous dit bien qu'on va lorgner comme ça vers l'Afrique. Il y a une inspiration évidente sur un autre disque assez contemporain de ce qui se passe là. Il y a un autre artiste qui passe beaucoup par Paris, c'est Don Cherry. Et je pense à Don Cherry, justement, dans son assise orientalo-africaine, telle qu'elle a très bien pu être définie dans son album Brown Rice. Voilà, c'est des choses qui sortent au même moment et c'est des gens qui se côtoient au même moment. Or, cette folie créative, elle transparaît et elle transpire d'un bord à l'autre. D'où cette facilité, mais en même temps cette qualité absolument rarissime dans le duo Fontaine-Areski, de faire effectivement Buvard avec d'extraordinaires influences, parce que forcément, de la fin des 60s au milieu des 70s, avec toutes ces flamboyances jazz et même une certaine de funk, forme de funk émergent, croyez-moi qu'il se passe quelque chose. Bon, c'est très bien que traditionnellement, c'était pas en France que ça se passait, ça. Eh ben si, ça se passait, ça s'est passé, et d'une certaine manière, ça se passe encore. Ça fait l'histoire, plutôt tardivement. Ça fait la nôtre aujourd'hui. Donc bienvenue dans ce Cargo Culte, vous et nous, et cet extraordinaire double album qui va nous amener 70 minutes durant. On se retrouve juste ensuite. Bonne écoute. Nous sommes des fous, vous et nous. Nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des loups, des filous. Nous sommes des poux, des bijoux. Dénouez-nous, dénouez-vous. Dévouez-nous, dévouez-vous. Vouez-vous à nous. Vouez-nous à vous. Déjouez-nous, déjouez-vous. Avouez-nous, avouez-vous, nouez-vous à nous, nouez-nous à vous. Nous sommes tous nous, vivons-nous. Nous sommes tous vous, vivons-nous. Fions-nous à nous, louons-nous, donnons-nous à nous, chantons-nous. Nous sommes des fous, nous sommes des fous, vous et nous. Nous sommes très doux, nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des loups, nous sommes des loups, des filous, nous sommes des poux, des bijoux. Dénouez-nous, dénouez-nous, dénouez-vous. Dévouez-nous, dévouez-nous, dévouez-vous. Vouez-vous à nous, vouez-nous à vous, vouez-nous à vous. Déjouez-nous, déjouez-nous, déjouez-vous. À vous, à vous, à vous, à vous. Nouez-vous à nous, nouez-nous à nous, nouez-nous à vous. Nous sommes tous nous, nous sommes tous nous, vivons-nous. Nous sommes tous vous, nous sommes tous vous, vivons-nous. Fions-nous à nous, fions-nous à nous, donnons-nous à nous, chantons-nous. Dénouez-nous, nous sommes des fous, vous et nous. Dévouez-nous, dévouez-nous, nous sommes très doux, vous et vous et nous. Vouez-nous à vous. En direct de l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3 à 0. Ulysse a gagné, bâton Zorro et King Size est vainqueur. À droite de votre écran, impossible à Marie de remonter un tir contré de Gambetta. Comme dit Angèle, il me semble

Ce n'est rien, ça n'étonnerait personne. Ce n'est rien, à quoi bon reparler de ça? Alors là, d'accord. Bon, alors ça, c'est intéressant. Puisque j'en suis c'est là, c'est bien, ça. À quoi bon? Vraiment, il a du talent. Beaucoup de talent. Comme on dit. T'en fais pas. C'est une sensibilité. Puis ce thème de l'automne. Comme on dit. Toujours ce thème de l'automne. C'est t'en très fais pas. C'est la vie. C'est très intéressant. Il a beaucoup comme de talent. Dit. Lui, il est bien. Oui, il est bien. Lui, je vais aller chercher. Il est très intéressant. Il paraît que tout recommence. Moi, j'aurais bien vu des violons. Il paraît des violons. Qu'il y a la chance. J'aurais vu des violons, là, je sais pas. Il paraît. Oh, c'est génial. Génial. Ça n'est rien. Rien. Qu'un vent d'automne. Je le sais déjà. C'est... Ça n'est rien. C'est ça simple, n'étonnerait c'est personne. Ça n'est rien. Génial. Si vous tendez la main avec une sébille et que vous entendez, vous n'entendrez que le roulement d'une toute petite circonférence. Je suis le serveur du dôme. Je ne peux même pas aider une vieille dame à traverser, à cause du patron et des clients. Les klaxons me répondent toujours, par les gens. On me court après pour me rendre un crayon tombé de ma poche, pas pour me dire bonjour. D'accord, je suis un illuminé. Mais je ne dois pas être le seul. Je me fais une fête à l'idée de savoir que tout à l'heure nous serons deux. Si encore je me cache, viens, accompagne-moi. la mort signal nous fit le veau, sachant qu'elle n'aura jamais mon dernier mot. Tu ne fais que changer d'enfance, de souffrance. Tu ne fais que changer de costume, d'amertume. Tu ne fais que changer de larmes, changer d'armes. Tu ne fais que changer de frontières, de misère. Tu ne fais que changer de patience, d'impatience. Tu ne fais que changer de cage, changer d'âge. Tu ne fais que changer de raison, de poison. Il y avait de l'eau dans l'air. Il y avait de l'eau. les masques sont des génies. Il y fait chaud, il y fait nuit. Petit chevreau, petite vie. Et nous, fuego a nous. Écoute. se mit à crier. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là qui m'empêche de parler? Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là qui m'empêche de parler? Dans ma rue au quatrième, j'entends un oiseau qui chante. Dans ma rue au quatrième, j'entends un oiseau chanter. Chef de gare à la ville, y a le sergent de ville. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié sur la voie ferrée. ressuscité au milieu des pavés. Toi, tu l'arraches avec tes bulldozers, roi de l'or, esclave de l'or. Toi, tu l'enterres avec tes quatre hivers, fils de la mort et père de la mort. Moi, je te hais depuis le fond des âges, mais quand même dans mon désespoir, je t'aimerai toujours bien davantage que toi tu n'aimes sous ton parasol noir. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié. Viendra rafraîchir ma mémoire. La la la la la la. T'aimerais un soir que mon cœur sera sûr, que ma mort attendra assise sur la mousse. La la la la la. L'hiver vole d'arbre en arbre dans le ciel abandonné, et le feu reste de marbre au fond du cœur exilé. J'aimais tant les hirondelles, quand les reverrai-je enfin, la mer et les mirabelles, le vent chaud et le jasmin, les baisers dans le cou, les levées de soleil, les petits rendez-vous et les nuits sans sommeil. Je mourrai près d'une source que je n'aurais pas aimée. Je mourrai dans une course où je n'aurais pas bougé. C'est la chanson que l'on chante quand l'espérance est couchée. C'est la chanson très méchante que le diable m'a donnée. Pour bien faire la danse. Tous les desperados qui se sont suicidés de trois coups dans le dos. J'aimais tant les hirondelles, quand les reverrai-je enfin, la mer et les mirabelles, le vent chaud et le jasmin, les baisers dans le cou, les levées de soleil, les petits rendez-vous et les nuits sans sommeil. Je mourrai près d'une source que je n'aurais pas aimée. Je mourrai dans une course où je n'aurais pas bougé. C'est la chanson que l'on chante quand l'espérance est couchée. C'est la chanson très méchante que le diable m'a donnée. Pour bien faire danser la la la la la la. Tous les desperados la la la la la la. Qui se sont suicidés la la la la la la. De trois coups dans le dos. Cher, très cher, cher. ses yeux sont gris. Faisons-lui chance, c'est la nuit. Pour moi, pour toi, pour lui. Non, ce n'est pas un ennemi. Regarde bien. Approchons, il ne bouge pas. Pour toi, pour moi, pour lui. Faisons les pas dont il a faim. Avoir ses pieds, il vient de loin. Non, ce n'est pas un ennemi. Faisons-lui chance, c'est la nuit. Encaustique, pneumatique, le fric. Pragmatique, névralgique, le flic. Sophistique, sulfurique, explique. Je divague, ce n'est pas grave, c'est un gag, je me gave de moi. Il est beau, il est laid, il est. Il est vrai, il est faux, il fait. Empirique, fatidique, unique. Je divague, ce n'est pas grave, c'est un gag, je me gave de moi. Foutre de fées, c'est la rose, et baiser divin, c'est le matin. c'est un océan grand comme un tapis, bleu comme le ciel, rouge comme le vent, jaune comme le miel, vert comme le temps. Je t'aimerai un soir que les blés seront mûrs. Je t'aimerai un soir que la mer sera douce. Je t'aimerai un soir que mon cœur sera su, que ma mort attendra assise sur la mousse. Je t'aimerai un soir comme en me réveillant, comme pour la première fois et la dernière. Je t'aimerai un soir comme on aime un enfant, un jardin verdoyant brillant parmi les pierres. Le silence viendra rafraîchir ma mémoire, un oiseau chantera pour moi le dernier chant, et mes yeux s'ouvriront enfin dans la nuit noire, où la moisson en feu joue avec l'océan. La la la la la la la la la la la la sur la berge. La reine s'est couchée au milieu de son lit. Elle attend la venue de celui qui guérit, de celui qui sera son fils et son mari. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que les blés seront mûrs. Je t'aimerai un soir que la mer sera douce. Je t'aimerai un soir que mon cœur sera sûr, que ma mort attendra assise sur la mousse. La la la la la la la la la la la la la. La déchirure brille au midi du silence. Des parfums de printemps se baignent dans le vent. Le cygne dans le ciel renvoie l'indifférence à l'oubli infernal de nos soleils levants. Ta déchirure brûle entre l'arbre et l'écorce, prisonnière sans phare du rythme incestueux. Ta déchirure. La lune se dévoile à la nuit de sa force, en éveillant enfin nos yeux affectueux. Un arbre étincelant planté dans les nuages m'est apparu un jour, marron sur un fond bleu. Il m'a parlé de tout, sans ombre ni feuillage. Elle était bien marron. marron sur un fond bleu. T'as déchiré. Sérène montagne, un cheval bleu court dans la neige après le soleil d'une libellule. Personne n'est le fou du roi. Personne n'est ce que tu crois. Moi je fais des cabrioles, de rigole en rigole. Demande-toi ce que tu vois. Personne ne vient d'où tu viens. Personne ne sait rien de rien. Rien, rien n'est ni blanc ni noir. Qui ne veut pas se voir heureux, heureux et sans mémoire. Personne n'est un hall de gare. Personne marche vers nulle part. Rien n'est vraiment le hasard. Que veut dire bizarre? Barrière à qui voudrait l'espoir. Personne n'est le fou du roi. Personne n'est ce que tu crois. Moi je fais des cabrioles, de rigole en rigole. Bien que les roses soient farouches, je ne tournerai pas le dos. Bien sûr que j'ai l'eau à la bouche. Farouche est aussi un cadeau. Tes mains déchirent dans la terre l'endroit des ombres condamnées. Caresse le feu du tonnerre avec le chant d'un nouveau-né. On se donne ce que l'on a. Toutes les portes ont des ailes. Nous sommes où l'on ne sait pas, mais que les rivières sont belles. Le bonheur n'a pas de mémoire. Le temps qui passe est un adieu. Nous sommes tous dans une armoire. Un grain de sable dans les yeux. La la la la la la la la. Un ange qui guidait une troupe de loups à travers la forêt, pleine d'inquiétude, buvait à la fontaine auprès d'un pommier doux, lorsque surgit un bouc plein de mansuétude. Songes-tu quelquefois, lui dit cet animal, à tout ce que ton cœur ne veut pas reconnaître? Sais-tu qu'une maison, j'aurais beaucoup de mal à t'aimer sans détour, puisque tu es un maître. Connais-tu la tulipe? et ses rouges froideurs. Connais-tu la pervenche et ses calmes ardeurs? Connais-tu les glandines et sa folle clémence? Connais-tu la violette et sa tendre démence? À ces mots, les harengs et les alligators se mirent à chanter la chanson des castors. À ces mots, les grillons, les ours, les condors entonnèrent en chœur la chanson des blés d'or. Et l'ange souriait, couché sur le chemin, ses voiles radieux s'étalaient dans la boue. Un carnet de balvert s'échappait de sa main, le bouclier murmurait des berceuses papoues. Connais-tu la tulipe et ses rouges froideurs? Connais-tu la pervenche et ses calmes ardeurs? Connais-tu les glandines et sa folle clémence? Connais-tu la violette et sa tendre démence? Mignonne, quand le soir reviendra sur la terre, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Le plaisir secret que donne une chanson, dessin à la craie sur un mur de tesson. Tu es parti, vieille toupie. Tu es parti vivre ta vie. Je reste ici, sale dans mon lit. Sans toi, Paris n'est plus Paris. C'est fini, c'est fini. Vous les mustus, les lustres crus, les trous du cul, les mains du vu, ocre des rues, ombre verrue, vous n'êtes plus que des sangsues qui me tuent, qui me tuent. Faut-il s'éveiller, faut-il s'émerveiller, faut-il s'éveiller. Vient l'été, le bel été, le roi du thé désigné pour célébrer son hyménée avec la reine du café dans les blés endiablés. Lâche coquine, tu m'assassines, tu me ruines et tu m'extermines, et je dessine ton ombre fine sur la fenêtre des usines, ma divine, ma divine. vous les musdus, les lustus crus, les trous du cul, les matus vus, ogres des rues, sombres verrues, vous n'êtes que des sangsues qui me tuent. Ça, c'est de la harangue de faim, hein. Vous et nous. Et Areski, donc, seul dans ce titre terminal. Allez, puis alors, un titre complètement country. Pardon de le dire, assez pourri, en fait, la musique. Et alors, est-ce qu'on est au premier degré, au deuxième degré ou au 48e? Impossible de se prononcer. On ne peut pas mettre en doute le génie créatif de ces deux-là, ensemble ou séparément. On est obligé d'admettre que dans cette constellation de titres complètement éclatés, bigarrés, il y a des scories, finalement. Et je pense que ce titre de fin, on est véritablement une, mais qui se veut comme ça. Et cette espèce de singerie country digne d'une publicité pour camionneur éventré, on ne peut pas imaginer finalement plus illustratif que ça, quoi. Ça finit pas bien, non pas ce disque, mais la suite. Il y a un album qui arrive en 80 et qui va, je ne sais même plus le titre. Titre un peu à peur à longue d'ailleurs. Les églantines sont peut-être formidables. Si, le titre est beau. Mais il n'y a pas tout à fait la créativité qu'on attend du duo. Et eux-mêmes semblent un peu moins transgressifs, quoi, et un peu plus convenus qu'avant, tant dans la musique que dans les propos. Au point que ça va signer quand même une crise assez majeure, et que Brigitte Fontaine va s'écarter du circuit. En tout cas, du circuit de la chanson. Elle va continuer à écrire, ça c'est clair, mais du coup elle sera encore moins visible qu'elle ne l'était auparavant. Ce fameux dernier disque d'ailleurs va pas du tout, sera même pas réédité. Brigitte Fontaine s'y opposera tout le temps, c'est dire quand même. Voilà. Et le couple lui-même hein, va couper les ponts avec la musique. Il y a un propos qui était souligné justement dans le bouquin de Maxime Delcourt auquel je faisais référence il y a des années où là on a envie de rien faire. Et là pour le peu il reprend en synthèse un élément d'interview qui était paru dans Le Monde de la Musique en mai 1979 où le couple s'exprime clairement. Hein. Il dit peut-être parce que le temps est venu, peut-être parce que l'époque des grandes migrations, parce qu'on lisait partout, qu'on faisait quelque chose d'intime, rester seul entretiendrait le malentendu. Alors qu'on prenne qui peut, et qu'on prenne qui veut surtout. Bon, en tout cas, il n'est pas question d'aller dans la facilité. Je le disais, et pour le peu, j'avais du mal à trouver une illustration cohérente en sortie de ce programme, que je ne me suis vraiment plus à dépeindre avec vous. Vous vous rendez compte, cette décennie de Sarah Vaughan Records, etc., qui traverse plein d'autres trucs. Je veux dire, eux-mêmes sont baignés d'influences qui sont au firmament de plein de choses à l'époque. Mais les années vont suivre et être différentes. Il se trouve que Brigitte Fontaine va faire une fermeture non définitive avec le spectre médiatique. Et le retour va être encore plus en fanfare d'une certaine manière. Et alors peut-être, mettre davantage le personnage de folle-dingue iconoclaste qui était et que montrait Brigitte Fontaine que finalement ça ferait poésie, quoi. Times are changing, comme on dit. Ça n'empêchera pas de laisser des perles, mais un peu parcimonieusement, comme ça. C'était plus l'époque d'un concept album aussi fort et implacable que vous et nous, qu'on a écouté aujourd'hui. Double album, en plus, rendez-vous compte, quand même. Quoi. Donc, du coup, j'ai envie de revenir sur le premier album vraiment, vraiment culte qui va imposer Brigitte Fontaine comme une marque indélébile. Quoi. Ça va s'imposer à la sortie du disque et ça va durer jusqu'à aujourd'hui et ça durera 100 ans encore. C'est le fameux album Comme à la radio, 1969. C'est le troisième album sous le nom de Brigitte Fontaine. Mais voilà, c'est surtout un album qui va être entièrement tapissé et co-réalisé avec le Art Ensemble of Chicago. L'Art Ensemble of Chicago recruté à peine descendu de l'avion, hein, qui les ramenait du Pan African Festival d'Alger. Alors, c'est cette fameuse année où tous les maîtres du jazz vont converger à Paris. Et notamment en revenant du Festival Pan African d'Alger. Et il faut dire qu'un producteur génial, futé et filou, va sauter sur l'occasion pour ramasser tout le monde et recueillir tous ces gens-là dignement, comme ils se doivent, parce qu'aux États-Unis, on les considère à peine, ces musiciens issus d'une scène free, hein, globalement. Et c'est Jean Caracos qui va créer le label Big, B-Y-G, c'est un acronyme Big, Big et Actual Record, et qui va pondre mais une cinquantaine de disques, dont au moins 40 sont des classiques merveilleux, cultes, en quelques mois, quoi. Voilà. Pas un de ces musiciens ne sera rétribué ensuite en droit d'auteur, que cela soit dit. Donc Jean Caraco, c'était un homme plein de charme, de talent et de finesse, et un escroc notoire. Et ça, c'est pas ma citation à moi, parce que je suis bien incapable d'argumenter ce propos-là. Par contre, c'est celui de Brigitte Fontaine. Et Brigitte Fontaine et Areski allaient harceler dans sa maison de campagne Jean Caracos pour lui demander un peu quelques dividendes quand même, parce qu'il y avait de l'argent à payer qui venait pas. Voilà, une histoire assez rock'n'roll. Du coup, voilà, bah, comme à la radio, je nous l'offre comme ça en titre de fin. C'est le classique des classiques. Tout est dit, là encore, faites attention au texte. Et bien sûr, baignez-vous de l'énergie qui est donnée dans l'Art Ensemble de Chicago. Ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé dans cette session, qui a été enregistrée de go. Hein. Ce n'est pas un truc où ils sont restés deux semaines en studio en disant on va faire 40 prises. Non, on y va. Les micros sont là, c'est branché, vous jouez, c'est parti. Go, on ouvre le micro. Quand on le ferme, le disque est fini. Et quand le disque est fini, ça donne ça. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit. N'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme à la radio. Des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira : elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid.